Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui l'Odyssée d'Ibrahim, une traversée européenne. Émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons l'histoire de celles et ceux qui, sur les côtes turques ou libyennes, rêvent d'atteindre l'Europe, partie de leur pays pour sauver leur peau. Alors, des clandestins, des migrants, des réfugiés? En réalité, et jusqu'à preuve du contraire, des damnés de la terre qui fuient la guerre, les massacres, les tortures, et qui viennent chercher une vie meilleure, ou tout simplement une vie. Non, ce n'est pas une immigration économique, c'est une immigration d'urgence. Ils arrivent de Syrie, d'Érythrée, de Somalie. Ils sont passés par la Libye, ont été attaqués, dépouillés, violés, raquettés. Et puis ils se retrouvent dans un radeau pneumatique en pleine mer, direction l'Italie, la Sicile, pour les plus chanceux, car pour les autres, ce sera la mort. Pour les survivants, il faut alors remonter toute l'Italie. Parcours dangereux, car s'ils sont repérés, ils sont reconduits vers le sud. Mais au moins, ils ne risquent plus la mort. Seuls les plus forts, donc, ou les plus chanceux, arriveront à passer les embûches et à atteindre ce nord tant espéré. Mais les malades, les femmes et les enfants, que leur reste-t-il ? Attendre dans un centre, un squat, tomber à la merci de réseaux ou de trafiquants ? Ils sont des milliers, aux frontières de l'Europe, en Grèce, en Macédoine, en Serbie. Selon les chiffres, en 2016, 73% des demandes d'asile ont été refusées. Près de 7500 migrants morts sur le chemin de l'exil, dont 5000 par noyade en Méditerranée, selon les chiffres de l'ONU. Et en 2017, la barre symbolique des 100 000 demandes d'asile a été franchie en France. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, annonce une augmentation de 17% des dossiers déposés. Alors, que faire ? Pour nous aider à répondre à cette question, après la fiction écrite d'après plusieurs enquêtes et témoignages de migrants ayant fui les zones de guerre violentes en Syrie, nous recevrons Xavier Emmanuelli, cofondateur de Médecins Sans Frontières et fondateur du SAMU Social et auteur du livre intitulé « Accueillons les migrants » aux éditions L'Archipel. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'Odyssée d'Ibrahim, une traversée européenne, de Jean-Pierre Tiercelin, une réalisation de Michel Sidorov. Octobre 2015, Alep, Syrie. Youssef ! Youssef, approche la pelleteuse ! Là, par là ! Doucement, doucement, Youssef, allez! Tu vas nous assommer! Faites de la place, les gars, faites de la place! Elle était là, votre maison? Oui. Il y a ma femme, mon bébé. On va essayer de les retrouver. Allez, Youssef! Enlève ce bloc! Stop, stop, stop! Stop, c'est bon. Recule maintenant. Allez, les gars! On dégage avec les pelles! Avec les pelles! Arrêtez! Arrêtez, je vous dis! T'as entendu quelque chose? Chut! Écoutez! Écoutez quoi? Chut! Vite! Creusez! Laissez les pelles dégager avec les mains! Avec précaution! Doucement! Doucement! Là! Essaie de glisser ta main sous la pierre, Ibrahim! Oui, comme ça! T'es là! Je le touche! Je sens sa respiration! Doucement, doucement! Dégagez doucement, tout autour. Doucement. Doucement, prends-le, Ibrahim, prends-le. Le voilà. Bravo, Ibrahim, il est vivant. Voilà votre bébé. Mon fils, tu es vivant. Tu es vivant. Et ma femme. Ma femme. Votre femme. Ma femme, oui, ma femme. Votre enfant est sauvé, il est vivant. Ahmed. Ahmed. Oui. Donne-moi un sac mortuaire. Un sac mortuaire? Oui, j'ai une main de femme et une jambe. Courage, mon ami. Allez, raccompagnez-le. Ah, je sais pas, mais raccompagnez-le, il peut pas rester tout seul. Je vais terminer avec Ibrahim. Attention, reculez, le mur s'écroule. Ah, quelques heures plus tard, dans l'abri qui sert de local au casque blanc. Tiens, j'ai fait du thé, prends ça. Ça va te faire du bien. Ibrahim ? Ibrahim, tu dors ? Je veux plus que toi. Il y a longtemps qu'on ne dort plus. C'est pas une raison pour garder ton casque sur la tête. Ah, t'as raison. On va finir par coucher avec. Ah, ils sont beaux, les casques blancs d'Alep. Ouais, ils sont beaux. On a refusé de prendre les armes. On a choisi de rester pour sauver des vies. Résultat, après chaque bombardement, on arrive comme des sauveurs et on finit en remplissant des sacs en plastique avec des débris humains. Allez, sers-moi du thé. Aujourd'hui, t'as sauvé la vie d'un bébé, Ibrahim. L'oublie pas, ça. J'ai juste oublié la présence de son père quand j'ai demandé un sac pour mettre la main de sa mère. Mais comment ai-je pu, Ahmed ? Comment ai-je pu ? On joue les humanitaires, mais la violence nous fait perdre toute humanité. Mais moi, j'ai bien demandé qu'on raccompagne ce pauvre homme. C'est pas mieux, comme si on pouvait le raccompagner quelque part. Moi, je crois que nous sommes simplement épuisés. Et pourtant, nous resterons ici jusqu'au bout. Nous l'avons promis, non ? Non, pas toi. Pas moi ? Je l'ai pas promis. Et bien sûr que t'as promis, Ibrahim, mais tu resteras pas jusqu'au bout. Il faut que tu partes. On en a déjà parlé, il n'est pas question que je vous laisse. Pourquoi tu ne pars pas, toi ? Moi, je pars pas parce que j'ai femme et enfants. Je pourrais jamais les faire sortir d'Alep, et encore moins de Syrie. Toi, t'es seul, t'es jeune, tu pourras te débrouiller. Tu dois vivre, et surtout reprendre tes études. T'auras un vrai métier, et tu pourras aider tes parents. Je sais que t'y penses, que tu y penses tout le temps. Tu sais ce que je pense, toi, maintenant ? Bah oui, parce que j'y pense aussi, figure-toi, parce qu'on y pense tous. Alors fais-le au moins pour nous. Et puis t'as pas le choix. Pas le choix ? Bah non, avec l'arrivée des Russes, y a pas beaucoup d'illusions à se faire sur la fin du siège d'Alep. Assad a déclaré que tous les hommes entre 18 et 42 ans devaient être enrôlés dans l'armée, de gré ou de force, tous ! Alors, avec tes 24 piges, si tu tombes entre leurs pattes à un checkpoint, tu seras considéré comme un déserteur. Et là, je donne pas cher de ta peau, même si t'as jamais tenu une arme. Et comment partir ? Écoute, j'y réfléchis depuis longtemps. Tu passeras en Turquie, par Derbassier. Après, tu rejoindras Istanbul. J'ai des frères et des cousins là-bas, ils t'aideront. Ils te donneront du travail pour te payer une traversée vers la Grèce. Mais dis donc, c'est un vrai voyage organisé à l'occidental que tu m'as préparé, là. Arrête tes conneries, mon ami. Ce sera pas une partie de plaisir, crois-moi. Rien que dans le bus, pour sortir d'Alep, tu feras dans ta culotte à chaque contrôle. Quant aux barbelés à la frontière, t'as toutes les chances de leur laisser quelques centimètres carrés de ta peau au passage. Plus tard, ça te permettra de frimer auprès de tes fiancées quand elles caresseront tes cicatrices. Et après la Grèce, qu'est-ce que je fais ? La route des Balkans. C'est le moment ou jamais. C'est un cul-de-sac ? Non. Plus depuis le mois dernier. La chancelière d'Allemagne a déclaré que plus aucun migrant syrien ne serait renvoyé en Hongrie. Du coup, tous les autres pays laissent passer. À ta place, je refuserais pas une invitation en Allemagne en bonne et due forme. Mais t'as intérêt à te dépêcher. Parce que d'ici peu, les migrants de tous les pays vont tous se présenter comme d'authentiques Syriens. Ahmed, je ne suis pas prêt, il faut que je... Il faut que tu partes, c'est tout. Qu'au moins l'un d'entre nous sorte vivant de ce merdier, de cet enfer. La seule chose qu'il te faut, c'est un bon téléphone portable et son chargeur. Capital, le chargeur. Ce sera ta seule arme, mais elle te sera très utile. Mars 2016, sur la mer Égée, un bateau pneumatique. Je crois qu'il sait où il va. Pas vraiment. Surtout en pleine nuit. Il fait semblant de tenir la barre pour ne pas nous paniquer. Les passeurs lui ont pas laissé le choix. C'est eux qui désignent celui qui va piloter. Ils sont pas fous. Ils savent bien que si ça tourne mal, c'est lui qui finira en prison et pas eux. Heureusement, le type qui est à côté de lui essaye de le guider avec son GPS. Il est d'Alep, lui aussi. C'est un jeune professeur. Il a le contact téléphonique avec l'autre bateau, celui qui est devant nous. Ouais. Et j'ai entendu répondre que, pour l'instant, tout allait bien. Pour l'instant. La semaine dernière, un canot comme celui-là s'est retourné avec ses 40 passagers. Et on ne les a pas retrouvés. Enfin, on y est tout de même sur ce bateau. Et on a dépensé moins d'argent que prévu pour le passage. On m'avait dit de prévoir 1 500 € et finalement, on n'a payé que 600. T'es sûr que c'est une bonne nouvelle ? Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Sauf que les prix des passeurs, Ils n'ont pas baissé pour tes beaux yeux. Si les prix baissent, c'est qu'en Europe, les frontières ferment les unes après les autres. Et qu'il y a moins de réfugiés pour prendre cette route, c'est tout. On m'avait dit que c'était la meilleure route pour l'Allemagne. Oui, c'était. Mais l'Allemagne s'est fait taper sur les doigts. Et les pays qui laissaient passer en ont profité pour fermer les écoutilles. C'est pour ça que l'Europe vient de signer un accord avec la Turquie. Pour qu'elle garde les réfugiés chez elle, dans des camps. C'est dégueulasse. Quand j'ai appris ça, j'ai accéléré mon départ. À Izmir, c'est pas les passeurs qui mentent. J'ai fait pareil. Tu sais, on finit toujours par trouver une solution. Même si ça met du temps. Je commence à avoir l'habitude. Il y a longtemps que t'as quitté l'Afghanistan ? 2 ans. T'avais quel âge ? 16 ans. 16 ans ? T'inquiète. J'ai pas fait de fugue. Les barbus avaient massacré toute ma famille. J'avais plus le choix. Mais je veux pas parler de ça. L'important, c'est maintenant et demain. Non ? Tiens, ton syrien qui nous fait des signes. Écoute. Écoutez ! Nous avons un message des bénévoles syriens qui nous ont aidés à embarquer. Nous avons appelé la police grecque. Un bateau des gardes-côtes se dirige vers vous. Restons calmes, les amis. Restons calmes. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et surtout, ne vous déplacez pas. Bougeons le moins possible. On approche de l'Héros ? Oui. On est parti depuis près de 2 heures. C'est la durée prévue par temps calme. On a eu de la chance. Une fois sur l'île, il faudra trouver un ferry pour Athènes. Et après ? Après ? Après, on avisera. J'ai les pieds mouillés. Normal, t'es sur un bateau. Moi aussi, j'ai les pieds mouillés. Rigole pas, j'ai les pieds qui baignent dans l'eau. C'est sûrement les vagues qui me font embarquer de la flotte. Ibrahim, je te dis que ça monte. Ouais, tu as raison, ça monte. Je m'en étais aperçu depuis un moment. Mais surtout, ne dis rien. Sinon, ça va être la panique générale. Touche le rebord du canot. Tu sens ? C'est mou. Oui, de plus en plus mou. On est en train de se dégonfler tout doucement. Heureusement qu'on a un gilet de sauvetage. Tout dépend à qui tu l'as acheté. Si c'est un faux, il t'aidera juste à couler plus vite. Il y a de l'eau dans le bateau ! On monte là. Quelque chose. Du calme, mes amis. Du calme. Restez calmes, ça y est. Pas de panique, je vous en prie. Nous approchons. Je signale au bateau qui nous précède que nous avons un problème. Restez calmes, je vous en prie. Si nous voulons vivre, ne bougeons pas. Ne bougeons pas. Ça monte, ça monte. C'est dans l'eau, là. Je sens plus mes pieds. Ils sont comme du bois. Ça s'accélère. D'ici 10 minutes, on en aura jusqu'à la ceinture. Puis ce sera la poitrine. Et puis tu seras paralysé. Et puis tu couleras comme une pierre au fond de l'eau. C'est ce que tu cherches, ma parole. Après tout ce que tu m'as raconté, c'est pour ça que tu as fui ton pays dévasté. C'est pour ça que tu as promis à tes amis et à ta famille que tu réussirais pour essayer de les sortir de là un jour. C'est pour ça, hein ? Mais on va pas couler comme ça, c'est moi qui te le dis. Prenez mon bébé, monsieur. Vous savez sûrement nager. Avez-le-vous, il aura la vie sauve. C'est mon ami qui le prendra. Lui, il a l'habitude de sauver des bébés. Pas vrai, Ibrahim ? Et pas maintenant. Pour l'instant, gardez-le contre votre poitrine. Essayez de respirer calmement et redonnez-lui le sein. Comme ça, il se sentira en sécurité. Et rassurez-vous, il fait nuit, je ne vois rien. Ce serait bien que le bateau des gardes-côtes, il nous voie. Pendant la traversée, tous les portables doivent être éteints. Et par contre, quand on verra le bateau des gardes-côtes... Mais comment on le verra ? Le bateau des gardes-côtes, comment on le verra ? Comment on le verra ? Ibrahim, tu n'es pas bien ? Regarde, Ibrahim, la lumière s'approche. Regarde les projecteurs sur la mer. Mes amis, voici les gardes-côtes. Rallumez vos portables pour qu'ils nous repèrent plus vite. Les minutes sont comptées. Agitez-les dans leur direction. Faites de grands gestes. Plus grands. Oui, comme ça. Ibrahim, sors ton portable. Vite. Ibrahim, tu m'entends ? Ibrahim, reviens à toi. Ibrahim, écoute-moi. Ibrahim, tu m'entends ? On est sauvés. Ibrahim ! Juin 2016, camp de transit de Gebelia, Macédoine. Tu as les billets ? Ouais, on n'a pas intérêt à les perdre. 25 euros chacun. Quoi ? On m'avait dit 6 euros ? Ouais, mais ça c'est pour les habitants de Macédoine, pas pour les réfugiés. Tu vois, en Europe comme ailleurs, il n'y a pas de petits profits. Dis donc, il n'est pas tout jeune ce train. Non. C'est peut-être aussi un spécial réfugié. Mais du moment qu'il nous emmène jusqu'à la frontière serbe, c'est tout ce que je lui demande. On n'est pas tout seul. Si on veut s'asseoir dans le train, faut surtout pas quitter la file. Ibrahim, ton portable. Mais le mets pas toujours au fond de ton sac. Mets-le dans ta poche. Faut toujours l'avoir sur soi, mon vieux, c'est vital. Je sais, tu me l'as déjà dit. Allô ? Ahmed ! Ah, je suis content de t'entendre. J'arrivais plus à te joindre depuis la traversée. Plus de réseau. Oui, on a été bien accueillis en Grèce. Les humanitaires font tout ce qu'ils peuvent. À Athènes, on est passé par le process, comme ils disent. Un enquêteur m'a demandé si je ne voulais pas venir en France et terminer mes études de droit. Mais j'ai refusé, vu qu'à Istanbul, ton cousin m'a donné l'adresse de son frère en Allemagne. Oui, il a été formidable, ton cousin. Il m'a bien aidé. Avec Hakim, on est remonté en bus à Thessalonique, puis vers le camp d'Idoménie. On a attendu plusieurs semaines, puis on a fini par passer la frontière de Macédoine à pied, sous la surveillance de la police. Et là ? Là, on est à Gevielia, un bordel noir. On dirait que tous les réfugiés de la Terre s'y sont donné rendez-vous. Le train doit nous emmener à la frontière serbe, à Tabanov, tu sais. Et après ? Bah, après, ce sera la Hongrie, mais là, rien n'est moins sûr. Je te tiendrai au courant. J'ai eu mes parents au téléphone. Mais si tu peux leur parler et les rassurer, ce sera encore mieux. Merci. Et toi ? Dis-moi. Allô ? Ahmed ! Ahmed ! Merde, c'est un peu plus. On commence à avancer. Il va falloir jouer serré. Oh, doucement, doucement. Non, je l'en plus, c'est bon, qu'est-ce qu'il dit, Ahmed ? Toujours pareil. Il s'inquiète pour moi, mais lui, il dit rien. Il n'a peut-être plus rien à dire. J'en ai peur. Le savoir là-bas, sous les bombes. Attends. Ne poussez pas ! Ça sert à rien. Vous voulez pas que je suis bloqué, moi aussi ? Ne te fâche pas, mon frère. Moi aussi, on pousse. J'ai du mal à maintenir mon équilibre. C'est surtout à cause du bébé. Je voudrais pas qu'il soit écrasé. Oh, pardon, je pouvais pas voir. On approche du marchepied. On va essayer de vous aider. Hakim, passe devant et prends mes sacs. Essaye de nous bloquer les places. Passez-moi le bébé. Je le tiens. Prenez ma main, madame. Je suis sûr que votre mari le permet. N'est-ce pas, monsieur? Il vous suit avec les sacs. Asseyez-vous, je vais me faire tuer. Là. Impossible de garder des places. Asseyez-vous vite, madame. Merci. Et vous aussi, monsieur. Et moi, alors? Merci. Toi, tu rends le bébé à ses parents. Une place pour deux, c'est déjà pas mal, non? C'est très bien. On s'assiera à tour de rôle. Alors, permettez-moi de vous remercier et de tourner avec vous. Ah, si, j'y tiens. D'accord. De toute façon, les couloirs sont déjà pleins. Lui, c'est Ibrahim. Et moi, c'est Hakim. Moi, c'est Jeanne. Ma femme. Moi, c'est Farida. Je suis heureuse de vous revoir, monsieur Hakim. Il faisait nuit, mais je reconnais votre voix. Vous m'avez redonné le courage de tenir quand on a failli mourir noyé. Dans la cohue, Janan et moi en avait été séparés. C'était terrible. Impossible de bouger sur cet horrible bateau. Depuis, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En plus, vous êtes afghan comme nous, c'est ainsi. Mon mari était interprète français et anglais. Mais maintenant que les armées sont parties, il est menacé de mort. Vous irez plutôt en France, alors? Ouais, mais la France ne me paraît pas un pays très accueillant. Je préférerais l'Angleterre, mais alors là, c'est encore plus compliqué. Moi, je vais aller en Angleterre. C'est vrai ? Comme ça, on ira ensemble. Après l'Allemagne, on peut passer par la Belgique. Ah, j'admire ton enthousiasme, Hakim, ça fait du bien. On verra ça plus tard. Pour l'instant, il faudrait déjà démarrer. Bon, une fois à Tabanovtsé, il paraît qu'on passe la frontière assez facilement. On court à travers champs. Comme ils n'ont pas du tout envie de nous garder, ils ferment les yeux. Après, c'est encore le train jusqu'à la frontière hongroise, et là... Vous croyez qu'ils ont vraiment fermé la frontière ? Ils ont fait dire qu'ils avaient déroulé une clôture de barbelés infranchissable. C'est pour nous empêcher de venir. On ira voir quand même. On est parti ! Je propose de prendre des forces pour le voyage. Nous avons réussi à acheter des sandwichs. Et vous ? Ils étaient trop chers. Mais on a un paquet de gâteaux et des cacahuètes. Gardez-les pour plus tard. Allez, on partage des sandwichs et on mange sans discuter. Et comme il fait jour... Cette fois, je vais vous demander de tourner la tête, que je puisse donner le sein à mon bébé, qui ne s'est pas présenté d'ailleurs. Il s'appelle Sangar. Allez. Septembre 2016. Tovarnik, frontière entre la Serbie et la Croatie. Ils vont où ces trains? J'ai demandé, mais personne ne sait. Mais alors pourquoi ils se battent pour monter dedans? Ils sont fous, regarde, il y en a un qui essaie de passer par la fenêtre. Ils supposent que le train rentre en Croatie. Ils sont comme nous, ils n'en peuvent plus. Ils sont prêts à tout. Je pense qu'il vaut mieux essayer de passer à pied. Même si j'ai les pieds en sang. Ouais. Tous ces gens qui campent sur le ballast. Il y en a même qui font du feu. Je ne sais pas ce qu'ils brûlent, mais ça sent pas bon. Oui, mais ça réchauffe. On brûle ce qu'on trouve, tu sais. Approche-toi, mon fils. Allez. Venez vous réchauffer, tous les quatre. Vous m'avez l'air épuisé. Et ce petit? Tu as encore du lait pour le nourrir, ma belle? Oui, heureusement. Il y a 3 anges gardiens qui se relaient pour le porter. C'est bien. Vous marchez depuis longtemps? On a dû faire 150 km depuis Roscu à la frontière hongroise. On pensait pouvoir passer, mais la police hongroise s'est mise à nous poursuivre et à nous tabasser à coups de matraque. C'était horrible. Il y a des gens qui sont restés à terre. Ibrahim a été blessé à la tête. Ouais, je vois ça. Oh, il est pas beau ton pansement. Comment c'est en dessous? Tu veux que je regarde? Merci, mais ne vous inquiétez pas. Farida fait ça très bien. Alors, on a entendu dire qu'il y avait un autre passage possible vers l'Union Européenne en passant par la Croatie. Ici, à Tovarnik. On marche depuis des jours. Pour ne pas se perdre, on suit les voies ferrées. L'Europe, elle est là. Juste derrière. Vous avez vu le drapeau bleu? La bonne mine, avec toutes ces étoiles. Ils ont juste oublié la bonne étoile. Toi, tu es syrien, mon fils? D'où viens-tu? D'Alep. Mon pauvre petit. Ne m'en dis pas plus. Moi aussi, je suis syrienne. On a passé 3 ans dans un camp de réfugiés à Beyrouth. Mais ça devenait intenable. On a décidé de partir. Là, j'attends mes enfants. Ils sont partis à la recherche de quelque chose à manger. Vous allez essayer de passer? Oui. Le plus vite possible. Tenez. Il reste un peu de thé. Oh, ça vous fera une gorgée pour chacun. Mais ce sera toujours ça. Nous aussi, on va tenter. Mais pas aujourd'hui. Les enfants veulent que je me repose à cause de mes jambes. C'est là-bas, au bout du quai, derrière les arbres. On voit déjà la foule qui s'agglutine. Des fois, les policiers laissent passer. Des fois, ils bloquent. Ici, ils sont gentils. Mais ils ont des ordres. Et après, qu'est-ce que vous faites? Après? En tout cas, une fois en Croatie, ne retentez pas la Hongrie. Même si on vous le propose. Ils seraient capables de vous mettre en prison. Il paraît qu'on peut continuer en car, vers la Slovénie. Il y a même des jeunes volontaires qui viennent aider les humanitaires. Mon fils a reçu un appel de ceux qui sont passés il y a 2 jours. Ils espèrent continuer par l'Autriche et l'Allemagne. C'est sans doute ce qu'on fera aussi. Si Dieu nous prête vie. Nous aussi. Oui, nous aussi. Bon, et si nous y allions, mes amis? Oui. Merci, madame. Merci encore, madame. Merci. Allez-y, mes enfants. Prenez soin du petit. Je prierai pour vous. Vous avez vu ce monde? C'est parce qu'ils sont tous entassés dans le sentier. Mais j'aperçois les casques des policiers là-bas. On risque encore de se faire écraser par la foule. Ibrahim, tu prends Sangar? Bien sûr. Viens, mon petit bonhomme. Viens avec tonton Ibrahim. Mais justement, comme ça, je dirai aux policiers que t'es mon frère. Et toi, Hakim, t'es le frère de mon mari. Ok, Janan? Ok. C'est évident. D'ailleurs, je trouve qu'on se ressemble, non? Ce que femme veut, Dieu le veut. Oh, laissons Dieu où il est. Il sera toujours temps de le retrouver de l'autre côté de la frontière. Allez, la famille, on suit le troupeau et on avance. Rendez-vous en Europe. Thank you. Juin 2017, Allemagne. Camp de Darmstadt, près de Francfort. Alors, tout va bien pour toi ? Ah oui, mes amis. Alors, écoutez bien, je dors dans un lit avec des draps et une couette. C'est incroyable. Ça me permet de supporter le règlement du centre et les démarches administratives. Ouais, maintenant, les nouveaux arrivants syriens n'ont plus le droit au statut de réfugié. Seulement celui de protection subsidiaire. La procédure de demande d'asile risque d'être encore longue. Tu apprends l'allemand ? Ouais. Il paraît que je fais des progrès. Hein. Il le faut si je veux reprendre mes études de droit. Mais en allemand cette fois. Toi, tu as de la chance de parler le français. Ouais, ça nous a bien aidé. On a pu intégrer le programme de relocalisation. Et Farida améliore son français. On vient de nous transférer au centre d'accueil de Romorantin, dans le centre de la France. Bon, attends, je te la passe, sinon elle va m'arracher le téléphone. D'accord. Allô, Ibrahim ? Oui, allô. Ouais, il faut que je te fasse un bisou de la part de Sangar. On lui montre ta photo tous les jours sur mon téléphone et il dit « Brahim, Brahim !» Oh, Brahim. Oh, Brahim. Bon, tu sais qu'ici, à Romorantin, il y a un centre social formidable. On peut échanger ses compétences et moi, du coup, bah, tous les matins, je vais m'occuper de l'atelier des petits. J'ai l'impression de retrouver ma classe quand j'étais institutrice à Kaboul. Ah, attends, Jeanne me fait signe. Attends, on voulait te demander, t'as des nouvelles récentes d'Akin ? Non, je suis très inquiet, son téléphone ne répond plus. Il est toujours à Calais ? Oui, mais il s'est fait voler son portable. Attends, bon, je te repasse Jeanne. Ok. Ibrahim ? Oui. Ouais, il n'a plus de téléphone, Akin. Hein. Ouais. Il s'en est fait prêter un pour nous appeler rapidement et il voulait que je te prévienne. Ça va pas du tout. Il n'a plus un sou, ils sont pourchassés par les flics. Ah, ils sont sans pitié en ce moment. Maintenant, ils interpellent les bénévoles pour les empêcher de distribuer des sandwichs aux réfugiés. Je peux pas croire que le pays qui nous accueille puisse ainsi avoir deux visages. Il ne faut pas être naïf, Jeannin. L'accueil sélectif, ça existe aussi. Nous, on en profite, mais Akin, lui, il en est victime. C'est tout. Il veut toujours aller en Angleterre ? C'est ce qu'il dit. Mais avec Farida, on ne désespère pas de le persuader de changer ses plans. S'il se fait arrêter en essayant de passer clandestinement, il risque un retour au pays. Et là, c'est la mort assurée. Je vais demander conseil. Ici, il y a des gens compréhensifs et compétents. Il faut l'aider, Jeannin. Il faut l'aider. Moi, ici, je ne peux pas bouger. Je peux rien faire. Rien. Je peux jamais rien faire pour sauver mes amis. Pourquoi tu dis ça, Ibrahim ? Ahmed est mort le mois dernier. Il est mort sous les bombes. Quand Assad et ses amis russes achevaient de liquider Alep. C'est lui qui m'a poussé à partir. Et aujourd'hui, il est mort. Et moi, je suis vivant. Ibrahim, avec Farida, nous partageons ta peine. Mais tu n'es coupable de rien du tout. Ahmed savait ce qu'il faisait quand il t'a poussé à partir. Et maintenant, tu dois vivre. Tu dois reprendre tes études de droit et qui sait, peut-être qu'un jour, tu pourras faire quelque chose pour ton pays. Un jour lointain, peut-être. Mais un jour... Ibrahim, et en attendant, comme tu vas sûrement avoir besoin d'argent, n'oublie pas qu'avec toi, les bébés revivent. Ça devrait séduire les jeunes parents allemands, non ? C'est une idée. Merci, Farida. Oui. Les bébés consolent de bien des choses. Je vais commencer par faire le babysitter. Comment ça se dit en allemand ? C'était L'Odyssée d'Ibrahim, une traversée européenne, de Jean-Pierre Tiercelin. Avec Dali Ben Salah, Ibrahim, Bertrand Suarez-Pazos, Ahmed, Thomas Pontier, Akim, Marie Griffon, Farida, Nicolas Gonzalez, Jeannan, Francine Bouffard, La Vieille Dame, Xavier Zapla, Le Professeur, Florent Houlier, L'Homme dans les Ruines. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Fabien Capel, Bernard Lagnel. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov. Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert. La maison qui dort, mon père et ma mère. Et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma vie. fil. J'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez, sans retour, allez, sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez, sans retour, allez, sans retour. Ce que j'oublierai si j'étais l'un d'eux. Mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue. Et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire. Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui l'Odyssée d'Ibrahim, une traversée européenne. Notre invité, Xavier Manoli, fondateur du SAMU Social et auteur du livre intitulé « Accueillons les migrants ». Bonjour Xavier Manoli. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Médecins Sans Frontières en 1971 et fondateur du SAMU Social en 1993. Vous avez été également secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire d'urgence et aujourd'hui, vous êtes président du SAMU Social International. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont « Accueillons les migrants », « Ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs » chez l'Archipel en novembre dernier. D'abord, un point de sémantique, « migrant ». Il y a une polémique autour de ce mot. À quoi il renvoie? Et faut-il l'employer, finalement? Oh, maintenant, c'est trop tard. Parce que vous l'employez vous-même, d'ailleurs. Accueillons les migrants. Parce qu'il est passé, dans le langage courant. Ça recouvre plusieurs mots, et en particulier les immigrants ou les émigrants. On a fait tomber le préfixe pour faire quelque chose de plus dense, mais de péjoratif. Un migrant, c'est plus chosifié, c'est plus des hommes, c'est plus des gens qui sont en route. Migrant, c'est des gens qui ont une intention de nous envahir. Et donc, ce mot, il est passé dans le langage courant, on n'y peut rien. Mais il faut remonter à la source et se rappeler que c'est des pauvres gens qui se sont mis en route parce qu'ils étaient en danger de mort. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs en introduction. Oui. Alors, on a entendu Xavier Emmanuelli, une archive tout à l'heure qui commence par « Mes amis au secours ». C'était évidemment l'appel de l'abbé Pierre que vous citez dans la préface de votre livre. En quoi cet appel et cet homme vous ont marqué? Et est-il fondateur de ce qu'on pourrait appeler une solidarité civique et civile, car issue de ce qu'on appelle la société civile, qui vient pallier parfois et souvent d'ailleurs les manquements de politiques publiques? Écoutez, ça se passait en 1954, ouais. Cet hiver si dur. L'hiver 54, oui. Et il a fallu qu'un homme se lève pour dire, écoutez, c'est pas possible. L'abbé Pierre, il était connu, il avait fondé les communautés d'Emmaüs, il avait travaillé avec le père Joseph Wrzinski sur les bidonvilles. Et lui, il s'est dit, on va alerter les gens. Mmh. Et donc, il a lancé cet appel qui a marqué une génération. La preuve, c'est que vous l'avez encore en archive. Bien sûr. Et ça a été un tournant. Il a essayé de réveiller les consciences. Et il y est arrivé. Parce qu'il y a avant et après l'abbé Pierre. Évidemment, moi, je suis pas l'abbé Pierre et il s'en fout beaucoup. Mais j'ai repris cet appel pathétique. Et il a cet intérêt que c'était une radio. Ouais. Qui, les gens écoutaient cette radio-là. Elle était très populaire. Et ils ont entendu. Et à ce moment-là, il y a eu un torrent de dons, de générosité qui s'est levé. Il a été un catalyseur. Et je crois qu'il a eu son importance, d'abord parce qu'il s'est servi des médias, comme moyen d'alerter. C'est un tocsin. Mmh, en somme, sûr. C'est plus des cloches, bien qu'il soit abbé, mais c'était un cri d'alarme. Et il est encore valable, vous savez. C'est pour ça que je me suis permis de le reprendre. Mais c'est un héritage, c'est un legs. Hein. Oui, c'est un legs pour toute l'humanité. Bien sûr. Je vais lire les dernières phrases de votre livre. Je sais que nul n'échappe à la mort, mais que l'on peut lutter contre la maladie, la douleur et l'idée que tout espoir est perdu. Animé d'un feu sacré, je me suis battu pour que le monde change, mais le matin du grand soir n'a jamais eu lieu. Changer le destin ne se fait pas grâce à un mode d'emploi idéologique, mais à force d'efforts, de patience, petit bout par petit bout, geste après geste. Face à la crainte, à l'incompréhension et à la force des habitudes, il est toujours possible de changer les choses. Le pire n'est jamais sûr. Le meilleur non plus d'ailleurs. Mais tentons quand même, en confiance. Si nous nous en donnons les moyens, c'est un monde d'espérance qui s'ouvre devant nous. Bien sûr qu'on a envie de se mettre dans cette lignée humaine, humaniste, hein, de ces lignes. Mais alors on nous dit, et on nous ressort, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Michel Rocard l'avait déjà dit, ça avait été détourné parce qu'il n'y avait pas le contexte, n'empêche qu'il l'avait dit. Et on continue à dire ça. Ouais. De toute façon, il avait amendé cette déclaration. Oui, c'est vrai. Il disait, mais la part qu'on doit en prendre, faisons-la correctement. Ou quelque chose d'analogue, je cite pas. Et donc, oui, bien sûr. D'abord, qu'est-ce que c'est que la misère du monde? Pour commencer, on pourrait dire la sémantique. La France est un pays privilégié, malgré notre misère et nos malheurs. Dans le fond, les gens y sont bien. Sans ça, il n'y aurait pas cet attrait. Et la misère, on a la nôtre. La misère du monde, c'est le changement d'époque, le changement du monde qui se passe sous nos yeux, et qu'on n'arrive pas à comprendre. Évidemment, on peut pas prendre tous les malheureux, mais on peut prendre notre part. Hein. Mmh. Notre part, c'est porter secours, en fait. On l'apprend, moi je suis un urgentiste, vous ne l'avez pas dit, mais je suis... Si, on le sait d'ailleurs, vous êtes un monsieur connu, on sait que vous êtes urgentiste. Et donc, il y a... l'article 226.3, obligation de porter secours. Obligation de, quand on rencontre quelqu'un en péril sur son chemin, on doit le faire. Sans ça, on est un délinquant. Voyez? Non-assistance à personne en danger, ça s'appelle. Mais oui, mais c'est punissable. Bien sûr. Mais on vous dit qu'il faut le faire, mais on vous dit pas comment. Et ça qui est génial. Et c'est pour ça qu'il faut former les gens dès l'école communale, dès l'école maternelle. Il faut les former en disant oui, il y a toujours quelque chose à faire. Et là, il y a quelque chose à faire. Oui, tout d'un coup, on voit un phénomène nouveau, sans précédent. C'est pas les uns qui arrivent. C'est le monde qui est chaotique et qui pousse les gens à quitter leur maison, quitter leur champ, qui avait nourri des générations. C'est plus possible. C'est des guerres, une guerre atroce. C'est pas des guerres frontales. C'est des guerres vicieuses. Donc, si vous voulez, il y a une angoisse phénoménale qui pousse les gens à prendre la route. Et puis, il y a des pays qui vont très mal. C'est des dictateurs atroces. Ou alors, c'est les pays du Sahel, où on ne peut plus rien faire pousser, où c'est plus possible de vivre. Donc, les gens prennent la route. Le monde entier est sur les routes. Et on va dire que c'est des migrants. Enfin, quelle erreur. Les gens vont sans doute faire changer profondément notre culture. Elle en a besoin d'ailleurs, parce que c'est une culture de gaspillage, une culture hédoniste qui laisse la moitié des gens sur le côté. Donc peut-être qu'on va redistribuer des cartes en donnant du sens. Et peut-être, alors, donner du sens, c'est peut-être aussi commencer par considérer que le problème de toutes ces personnes qui fuient, et on le répète, hein, pas par plaisir, pas par confort, parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est un problème humain. Or, il est souvent abordé comme un problème économique. Si on commence à inverser cette priorité, peut-être qu'on commence à faire quelques pas dans la bonne direction. Vous savez, quand j'étais jeune, parce que j'étais jeune aussi, vous savez, à l'époque... Je n'en doute pas. On disait, à mon époque, tout est politique, parce qu'il y avait les grandes idéologies. Mmh. Et si vous ne preniez pas parti, vous étiez un facho, un coco, hein, tout ce que vous voulez, et vous étiez de toute façon quelqu'un qui ne prenait pas conscience. Tout est politique. Et maintenant, on vous dit, tout est économique. Eh oui. Pourquoi pas ? Tout est tout ce qu'on veut. Bernanos que j'aime, disait « Tout est grâce ». Et chaque fois que vous tendez la main, que vous avez un geste de compassion pour votre prochain, chaque fois que vous voyez de la lumière, un peu dans le monde, tout est grâce et tout peut se transformer en geste positif. Je vous dis ça parce que je suis à un âge où on peut se retourner en disant « Qu'est-ce que t'es mon chemin ?» Mais j'ai cherché du sens. Je vous parle pas comme un curé, je ne suis pas un curé, je suis un laïc profond. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est que les gens disaient, les bébés, les petits-enfants, les adolescents, les hommes politiques, les vieillards, ils disent tous « aime-moi ». Aime-moi pour ce que je suis, ou pour ma souffrance, pour ma douleur. Et c'est bien caché derrière chaque homme, le désir d'être aimé. Donc, c'est ça le sens. Faisons quelque chose pour rendre possible, tolérable, ce furtif passage sur la Terre. Là, le monde s'est mis en route. Ça veut dire quelque chose. Il ne s'arrêtera plus, vous savez. C'est pas une crise conjoncturelle. Mais... c'est une crise structurelle. Le monde change. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas acteur dans cette affaire, on sera dépassé. Et là, ça sera la violence. Chaque fois qu'on n'arrive pas à résoudre quelque chose, eh bien... ça se traduit par souffrance et violence. Sans compter les réfugiés climatiques. Hein, ils sont encore à venir. Ils sont encore à venir, c'est ça. Sans compter cet avenir-là aussi qui est préoccupant. Ils n'auront plus de chez eux, ceux-là. Xavier Manoli, on va se retrouver dans 3 minutes. Freedom, I don't need them. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. No. and I'm with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and western. Yeah, guns, blows, doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and western. We're representing peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Xavier Emmanuelli, parmi les arguments qu'on entend et qui vont dans le sens, oui, on veut bien les accueillir, mais attention au danger. Il y avait le danger économique, réel ou supposé. Il y a l'autre danger, réel ou supposé. Peut y avoir des terroristes. Qu'est-ce qu'on répond à cela, parmi tous ces gens qui arrivent? Oui, bien sûr, il peut y en avoir. Et alors? C'est ça. Il va falloir faire attention. Mmh. Et donc on change pas le comportement. Les gens, on n'est pas au paradis. Hein. Les gens sont avec leurs imperfections. Il peut y avoir des terroristes qui veulent changer nos sociétés, qui veulent nous imposer des choses. Eh ben, on fera attention. Lorsque il y a eu, au 19e siècle et au 20e siècle, toutes ces migrations des gens qui fuyaient l'Europe de l'Est, fuyaient le nazisme, ils fuyaient les pogroms, ils fuyaient le communisme, ils fuyaient tout ce que vous voulez, et ils allaient aux États-Unis. Ellis Island, l'île, on l'appelait aussi l'île aux pleurs, parce qu'il y avait un tri là-dessus. Les gens ne prenaient pas tout le monde. Le tri, d'ailleurs, faut employer ce mot. Quand on fait le tri pour savoir si vous devez avoir l'asile ou pas, vous faites un triage, un tri. C'est pas un mot qui fait peur, c'est un mot qu'il faut savoir employer. Et toujours est-il que parmi les gens qui sont venus de cette Europe, il y avait des gangsters, des mafieux, enfin, etc. Mais il y a aussi la vigueur de l'Amérique qui s'est faite, vous voyez. Bien sûr qu'il peut y avoir des terroristes infiltrés. Pour le moment, ce que j'ai vu, c'est que c'est plutôt les enfants de nos républiques et de nos démocraties. Ah, c'est ce que les faits confirment, hein, exactement. Oui. Mais je ne dis pas qu'il n'en viendra pas. Hein, faudra faire gaffe, on n'est pas naïf quand même. Et là-dedans, il y a aussi des gens qui vont nous apporter notre vigueur. Regardez ceux qui ont... Au cours des années, des siècles, ceux qui sont venus sur notre territoire, ils nous ont apporté la vigueur d'un vieux monde qui sait se renouveler. Bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait dans la douleur, comme tout accouchement, comme ça se faisait, les accouchements dans la douleur, maintenant de plus. Mais il y a eu des forces qui ont été en présence, et finalement, les gens sont bien intégrés, ça fait la France. C'est ce que vous voulez dire quand vous dites « nous sommes suffisamment riches ». Vous l'écrivez, hein. Alors ouvrons nos frontières, nos maisons, nos cœurs, mais avec discernement. C'est ce que vous mettez derrière. Et je dis, encore, je répète, on n'est pas des naïfs, mais je crois qu'on est moins naïfs que ceux qui disent on prend personne. Ma naïveté, je l'assure, on va accueillir en faisant gaffe, on fera attention. Mais ceux qui pensent qu'on n'accueillera personne et qu'on mettra des frontières, ceux-là sont beaucoup plus naïfs que moi. Alors, l'Europe, parce que on parlait de Lampedusa mardi dernier, on a consacré une affaire sensible à cet endroit du monde où arrivent tant de, allez, je le dis, migrants qui viennent de l'Afrique noire, notamment, et essentiellement de l'Afrique noire. Et l'Italie s'est beaucoup plainte du fait du manque de solidarité de l'Europe. Quel est votre regard sur le comportement de l'Europe en tant que telle, en tant qu'entité supranationale, par rapport à ce problème-là? Vous avez été sévère, hein, l'Europe se suicide, j'ai pas peur d'utiliser ces mots, l'Union n'est pas une vraie entité politique, chacun joue sa partition en solo. Et sur ce terrain-là, qu'est-ce que ça donne? D'abord, il faut rappeler que depuis 2000, l'an 2000, on est en 2018, il y a 40 000 personnes qui se sont noyées dans la Méditerranée, vous savez. Mardi. La Méditerranée, le Club Med, là, c'est un tombeau. Ouais. C'est un tombeau. Ils arrivent à Lampedusa, entre autres, et l'Europe n'existe pas. Le groupe de l'Europe de l'Est, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Tchéquie, tous ces gens, quand ils étaient derrière le rideau de fer, il y a des tas de gens qui essayaient de fuir, et l'Occident les accueillait avec bonheur. D'ailleurs, ils ont enrichi notre culture. Mm. Et maintenant, ils n'en veulent pas un dans les quotas. Pas un migrant chez nous. Bien au contraire, si vous en arrivez, on les refoulera. Déjà, l'Europe n'a pas les moyens de dire « Écoutez les mecs, je vous oblige à prendre une part de votre fardeau. » On ne le fera pas. La deuxième chose, on fait Dublin, vous savez. Quand on prend les gens, par exemple en France, on dit « Par où t'es rentré en Europe, toi ?»« Ah, en Grèce, on te renvoie là-bas. » Ou alors, quand on ferme la route des Balkans, on les envoie, devinez où ? Chez un grand démocrate qui est Erdogan, qui en a... Turquie. Oui, en Turquie. Il en a 2 700 000. On a fait un deal faustien d'enfer qui nous retombera dessus. Donc, on a géré cette affaire de migration. L'Europe, qui n'est pas une entité morale, elle n'est pas une entité morale. Regardez, l'année prochaine, qui sera la présidence de l'Europe ? L'Autriche. Et l'Autriche, on voit avec quelle générosité ça accueille. Et chacun, il y a l'Europe, mais l'Europe est faite aussi de pays. Et chaque pays joue de sa partition. Donc, si vous voulez, l'Europe n'existe pas, n'a pas les moyens. L'Angleterre dit « je veux personne ». Déjà, comme ça, ça va, elle prend plus sa part maintenant, y compris les mineurs isolés qui veulent rejoindre leurs parents. L'Europe n'arrive pas à se définir sur ce phénomène sans précédent que sont les migrants. Il faut dire quelque chose là-dessus, il faut avoir des concepts, il faut avoir des idées. Moi, j'attends beaucoup de l'Europe. Je vais vous dire, j'attends beaucoup. On voit par exemple, Macron, il a une belle image en Europe. L'Europe qui a affaibli. Merkel qui donnait le « là », en quelque sorte, elle a affaibli. Ouais. Il peut prendre des initiatives, j'attends beaucoup de ça. Alors attendez, justement, puisque vous me parlez d'Emmanuel Macron, on va l'entendre, ce qu'il a dit au mois de décembre dernier, sur ce thème des migrants. Écoutez. La France est un pays qui est généreux et fait respecter le droit d'asile et l'accueil de ceux qui sont fragiles. On prend notre part, mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Donc moi, je me bats pour que on accueille dignement tous ceux qui arrivent et qui demandent le droit d'asile, qu'on puisse intégrer beaucoup plus rapidement ceux qui sont éligibles au droit d'asile, parce que c'est le devoir de la République française et je serai intraitable sur ce sujet, mais que aussi, dès que les gens ne sont pas éligibles à ce droit ou n'ont pas de papier, on les raccompagne beaucoup plus efficacement dans leur pays. Parce que c'est une condition de sérieux. Et s'il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de générosité qui tienne, parce qu'à la fin des fins, c'est le peuple français qui paye pour cela. Donc il faut le dire en vérité, je le fais en permanence. C'est ce discours de générosité et de responsabilité. Mais enfin, c'est toujours les mêmes discours, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce discours-là, par rapport à tout ce qu'on a entendu là-dessus ? Il rappelle le rôle de la France éminent. Oui, enfin bon. Et le passé de la France. Ça n'a pas fait plaisir, vous savez, il y a toujours eu le rejet. Toujours, toujours, toujours. Quand les Italiens sont arrivés parce que leur pays crevait de faim, on n'a pas tellement accueilli, on leur a même cassé la figure. Bien sûr. Les Polonais, qui avaient la même religion, France catholique, les autres étaient catholiques, chrétiens, mais ça leur a pas empêché qu'on les a roués de coups, cassé la figure. Et c'est difficile. Je reconnais que c'est difficile. Dans les villages, quand quelqu'un vient s'installer, il est vu comme un étranger pendant 10 ans. Donc, il y a un rejet de l'autre. Oui. Mais si vous voulez, je ne suis pas ni pro ni anti-Macron, c'est notre président. Puis je pense que quand il pose l'affaire comme ça, on va attendre. Il vient d'arriver. On va attendre. On jugera sur pièce. On va attendre ce qu'il va faire. Moi, j'attends beaucoup qu'il aille secouer l'Europe en disant « Oui, la France ne peut pas prendre tout le monde ». Mais c'est à l'Europe. Prenez votre part, quoi. Allez-y. Allez-y. Sans ça, vous serez plus payés, les mecs. Xavier Manoli, nous arrivons à la fin du temps qui nous est accordé. Donc, je vous remercie. Je rappelle donc le titre de votre livre, Accueillons les migrants. Puis toujours le sous-titre. Les sous-titres sont aussi importants que les titres. Ouvrons nos portes. Ouvrons nos cœurs. Merci. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, l'Odyssée d'Ibrahim. Fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov et Al Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Antoine Théboul et Basile Bocquer.